Alors, est-ce que c'est vrai ça? Alors, on se souvient de tout ça, c'était des grands moments. Alors, Gérard, qu'est-ce que ça te rappelle? Moi, personnellement, ça me rappelle plus rien du tout, puis de toute manière, je m'en fous. Ouais, il y a des gens qui disent dans ton entourage que tu aimerais bien retourner avec Christine, est-ce que c'est vrai? Dans mon entourage, je connais personne qui pourrait le confirmer, d'accord? D'accord, donc pour l'instant, Manu nous aurait dit des conneries. Et Christine, toi, personnellement, tu aimerais retourner avec Gérard? Non. Non, vraiment? Non, j'ai mon petit ami, il est mieux. Est-ce qu'il se lave, lui, Quelle est la différence entre Gérard et ton petit ami? Comment? Quelle est la grande différence entre Gérard et ton petit ami? Bah, il est sympa, il est calme et tout. Il se lave? Bah oui, il se lave quand même. Lui, il se lave, lui, ouais. Il est maniaque. En plus. Alors que Gérard, c'était pas le cas? Si, il se lave, Gérard. Ouais? Ah ouais, attends, alors pourquoi que... Et pourquoi tu as raconté des conneries derrière? Ouais, oh, dis tout de suite que je me lavais tous les jours pendant que t'y es. qu'est-ce que c'est que ces conneries que dis donc, ouais, oh, Christine, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer là? Que Gérard il se lavait tous les jours, c'est ça? Non. Bah alors? Bien sûr, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, bah. c'est vrai. je vais te dire une chose, depuis que tu m'as quitté, t'as toujours pas changé, hein? Qui? Si, mon cul. Qu'est-ce que ça dit, Christine? J'ai changé, j'ai perdu 20 kilos. Ah, oh, bravo! Ah ouais, mais t'en fais combien maintenant? Je pèse 100 kilos. Ouais, dis donc, ça fait rire tout le monde. Mais c'est déjà bien, bravo Christine. Bah ouais, bravo. On est passé de 120 à 100 kilos. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ton honneur ce soir, on va appeler des monsieur et madame Lagrosse. Hein. Bravo Christine. Donc, je continue, en plus, je suis obligée parce que. Sinon, je peux mourir, j'ai des problèmes. Ah, d'accord. Bah alors, non, mais tout ceci, on te souhaite bon rétablissement et bon courage, ma petite Christine. Tu sais qu'on pense souvent à toi. C'est gentil de nous avoir laissé ton numéro de portable. Oui, je voudrais un CD. Oui, on va t'offrir un CD. Il n'y a pas de problème. On va récupérer ton. De la musique de maintenant. Pardon? De la musique de maintenant. De la musique de maintenant. T'inquiète pas, on va faire le maximum pour ça, Christine. D'accord. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je te fais un gros bisou. Et Gérard? Moi aussi, je l'embrasse bien. Qu'il soit heureux avec sa copine, c'est très heureux pour lui. C'est très gentil. Et toi, Gérard, t'as un petit message à passer à Christine? Non, rien. Quel enculé. Attends, il y a Bibi qui veut passer un message à Christine si elle n'a pas coupé. Vas-y. Bibi qui est donc la copine de Gérard aujourd'hui. Salut Bibi. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, on va faire très vite, on a une minute. Alors, un message pour Christine. Bonsoir à toi Christine, et puis je voulais te faire un petit coucou comme ça au passage. Ah, elle est sympa au moins. Et te dire que c'est vrai que des fois, nous aussi, on parle souvent de toi, moi avec Gérard, on dit tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue. Alors, quand même, alors pourquoi il ne le dit pas Gérard? Tu vois, Gérard, il t'aime bien encore Christine. Bah oui, et puis pour tes problèmes de poids, tu sais, c'est pas grave. Hein. Ouais, je connais, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu dis Christine? Les problèmes de poids, ça vient de m'énerver. Ah oui, c'est pour ça alors. Bon, en tout cas, on te souhaite bon rétablissement, Christine, et bon courage. Oui, tu peux compter sur nous. Compter sur nous. On va prendre ton adresse en antenne et puis on va t'envoyer donc de la musique de maintenant. D'accord. C'est le premier jurant. On va lui faire un petit paquet de CD single des tubes du moment. Et Gérard, Je suis contente pour toi aussi, Christine, comme quoi t'es bien avec ton copain. Ça, voilà. Oui. Plaisir. Très bien. Et Gérard, on le retrouve bien entendu jeudi prochain pour un débat sur les JO. Et j'espère qu'un de ces quatre, on aura l'occasion de revoir Bibi pour un spécial conseil de Gérard et Sandy. Ah bah oui, pourquoi pas. Moi, tant que je suis pas invité, moi je peux pas venir, mais si on m'invite, il y a évidemment, pas de problème, Écoute, avec un grand plaisir, on organisera très prochainement un spécial conseil de Gérard et Sandy, c'est promis juré. Bisous à tous. OK.